Nostalgie par Binet Valmer. Elle m'a dit « N'êtes-vous pas triste de m'avoir revu ?» Et ces mots allèrent très loin. Nous étions dans l'une de ces campagnes qui font souvenir, par leurs beaux arbres et leurs pelouses, des paysages d'Angleterre. Au-delà des frondaisons, on apercevait le lac où se reflétait mon enfance. L'éclatant après-midi finissait, et de longues brumes sur les monts guidaient le regard vers les formes imprécises et les surfaces roses des glaciers. Autour de nous passaient et repassaient les groupes aimables de la société de cette petite ville qui sortent en été de visites étrangères. Et l'ami que je n'avais pas revu depuis 20 années cheminait à mon côté sur le gazon, penchant la tête, tournant vers moi son visage, me montrant ses yeux qui sont clairs et sa bouche un peu chagrine. Oui, les mots allèrent très loin. Quand j'étais parti, les quelques ans d'âge qui nous séparent avaient beaucoup d'importance. Elle était presque une jeune femme et j'étais presque un enfant. Je l'admirais avec timidité. J'aurais voulu que le temps, par une fuite prompte, me permît d'obtenir d'elle autre chose que du dédain. Je me rappelle encore une soirée où, gardant l'embrasure d'une fenêtre, je la contemplais qui accueillit avec grâce le désir de mes aînés. Dans ma mémoire, elle est restée longtemps l'image de l'amour, et j'ai inventé à son sujet, n'ayant point de ses nouvelles, des aventures magnifiques et passionnées dont elle devait être l'héroïne. Jusqu'à son nom me plaisait. Nous avons été notre route, et mon travail fit qu'elle n'entendit parler de moi alors que tristement je l'avais oublié. Mais l'autre jour, quand je distinguais son profil, ce n'était pas cet après-midi dont je vous ai tracé le décor. La scène de jadis se leva pour nous séparer, et je ne m'approchais pas d'elle. Jadis, elle était adulée, elle était la fraîcheur même, elle était pleine de promesses. Elle est plus belle aujourd'hui, étant alourdie par les songes. Donc, nous cheminions sur le gazon devant la façade très simple, près de la terrasse, et elle attendait ma réponse. J'ai dit « Un peu triste, c'est vrai, parce que le miracle s'est produit. » Et que je vous ai non seulement rejointe, mais dépassée. Et je lui expliquais tout ce qu'elle avait été pour l'adolescent que je fus. Une vie magnifique, soupira-t-elle. Hélas, j'ai 4 enfants. L'une de mes filles atteint sa 16e année. Mes fils sont au collège, et tout est morne. Je répétais. Un peu triste. Point de grands amours, elle secoua la tête. Point de tragédie, dit-elle. Vous n'étiez pas le seul autrefois à me prédire une existence peut-être somptueuse. De vieux amis m'attendaient au carrefour. Quand j'y suis arrivé, je me suis assis sur la borne et j'étais très fier de choisir le dur sentier de vertu. L'homme qui voulait m'y diriger n'était pas riche. Sans être laid, il n'était pas beau. Il représentait la sécurité, la persévérance dans ce sentiment d'orgueil qui me poussait à ne vouloir accorder ma vie qu'en échange d'une vie entière. Sur la souple allée du vice, les autres, élégants et subtils, ouvraient leurs bras, mais ils riaient. Et le fiancé que je suivis me présentait un regard grave. Il m'offrait une main solide. J'y mis ses doigts qui vous paraissent de petites bêtes cruelles et frémissantes. Et la ville applaudit. J'eus mon heure de triomphe. J'avais résisté à la tentation. La ville s'en fit gloire. Ce fut l'austérité que l'on respire dans ces rues qui m'avaient protégé et conquise. La ville voulut que désormais je fus son joyau. Elle contrôla mes conjugales amours. Elle fut l'alliée de mon mari. Les vieillards hochaient la tête, craintifs et venimeux. Les vieilles dames affirmaient « Nous ne le permettrons pas ». Quand j'étais encore éprise de mon mari, on se préoccupait d'empêcher ma chute. Et mes beaux-parents, harcelés de conseils, organisaient autour de moi la surveillance. J'en fus blessé dès le lendemain de mes premières relevailles. Étais-je prisonnière d'autres bras que les bras amoureux? Je l'étais. L'âme étroite de la ville fut soufflée en le cœur de mon époux. Ils l'ont contraint à la jalousie. Je fus gardée. J'esquissai une révolte. L'élan de la foule me vainquit, et surtout ma tendresse m'enchaîna. Vinrent mes secondes, puis les autres relevailles. Crainte que je ne fusse une maîtresse, on me rendit une mère féconde, et le stratagème était bon. J'adore mes petits. Des semaines, des mois, des années, j'ai souri, parce qu'ils grandissaient, et quand je suis revenu au miroir, je n'ai su que pleurer mon destin disparu. Pour les autres, mon ami, pour les autres, passa ma jeunesse, pâlir mes joues, se fatiguèrent mes yeux. En octobre, je toucherai les 40 ans glacés, et leur froid me pénètre déjà, et dans mes solitudes, aucun souvenir éclatant, le désespoir morne. J'étais né pour de plus sublimes horizons. Ne dites point qu'il n'en est pas de plus noble. La ville permit que mon mari me trompât. J'ai provoqué cette lassitude qu'il me refusait de sentir. Mon mari eut des passades, de courtes liaisons, oh, bien décentes et réservées, mais tout de même, j'étais jalouse. J'ai compris, avec la logique la plus simple, que les liens étaient rompus, et j'étais tenté, j'ai souhaité la passion adultère, et j'ai commis la faute en imagination. Mais la ville s'est interposée, et je ne fus vicieuse que par des rêves qui abolirent ma vertu sans m'apporter des joies. Certains crépuscules, tandis que mes enfants jouaient dans les chambres proches, j'enviais les courtisanes, même les filles. Le fard laisse sur leur peau des sillons moins laids que l'ennui. Le jaloux qui les exaspère, elle le renvoie. L'amant qui les trahit, elle le chasse. Mon compagnon s'assied lourdement dans le fauteuil et lourdement il commande, et dans l'atmosphère qui l'entraîne retentit la phrase « Je suis le maître ». Et la phrase a de l'écho dans les autres atmosphères qui m'enveloppent. Il est le maître. Croyez-vous que le harem n'existe pas dans nos cités? L'hypocrisie a changé la surface. De vrai, nous sommes au gynécée, et j'y deviendrai vieille. Ma fille est presque une sœur pour moi à présent. Elle a ma beauté. Dans quelques mois, elle sera au carrefour. Dites, quelle route lui montrerai-je? Va-t-elle me recommencer? Faut-il qu'éternellement recommence le sacrifice de la femme, de celle qui n'était pas formée, pour s'immoler au devoir que les mâles seuls établirent? Lorsque je vous ai rencontré, après cette absence, où vous m'avez réellement dépassé, j'ai souffert comme l'on souffre en face du portrait de ses 20 ans. Et me voici cerné, vous êtes là, témoin de ma claire jeunesse, et ce soir, je retrouverai ma fille, symbole de mon angoisse. Ah, mon ami, si je m'étais fourvoyé! Vous entendez bien, lectrice, que je n'ai pas rendu ces bégaiements. Il me fallait nourrir ces silences que la chute de la voix, un geste, saturait d'émotion. Mon ami ne me parle pas ce langage que souvent vous daignez écouter. Mais ce discours, je ne le compose pas. Il fut dans mon cœur dès qu'il se tut. Elle froissait du bout de ses bottines blanches les tiges du gazon et elle murmura. Une vieille femme. Alors, transporté de mélancolie, je me lamentais silencieusement. Pourquoi ne l'avais-je pas revue quand il aurait été si doux de la saisir? Puisque j'étais au-delà d'elle et que j'avais été en deçà, une heure avait existé où nous aurions pu, étant au même niveau et sur le même plan, fuir vers les minutes éternelles et qui détruisent tout. Il était trop tard. Elle avait sa rancune et j'avais mon ambition. Elle réclamait d'être consolée. Je ne pouvais pour elle que l'engourdir, être son conseiller. Et je lui parlais de cette grandeur de revivre en les êtres issus de nous. Elle ne me suivait pas. De son ombrelle, elle battait le gazon, et ses lèvres muettes devaient répéter « Une vieille femme ». Nous avons descendu l'allée qui contourne le bois. Mon ami a posé la main sur mon bras. « Tous, ils croient en Dieu, m'a-t-elle dit, mais moi. » Et elle n'a pas achevé. J'eus de l'épouvante. Ne distinguez-vous pas que je retrouve partout, dans chaque personnage que j'approche, à l'exception de quelques héros, ce désordre que créent des mœurs appuyées sur une religion défunte? Il faut revenir. On racontera à mon mari que je me suis promené avec vous. Elle était peureuse. J'ai tendrement enveloppé ses épaules et, fraternel, conseillé hélas, j'ai dit « C'est beau de croire. » Elle a chuchoté « Ah, si je pouvais !» Mais tant de renoncements pour aboutir à ce renoncement final qu'est la mort. Et de génération en génération, les femmes vont maintenant tomber dans le néant des joies refusées, sans gloire, ternes, grises, les honnêtes femmes. Elle se redressa et soudain, coquette, « Oubliez, oubliez !» Nous étions à la terrasse. Mon ami me laissa. La ville l'absorba. Jusqu'au départ, nous ne causâmes plus, et sans doute, nous ne causerons plus jamais. Hier, j'ai tâché de lui faire visite. J'arrive à la porte de sa villa. Une grille enclôt le jardin. Des rires me heurtèrent. Je glissai le visage entre les barreaux. Une scène idyllique me prouva une fois de plus que je suis naïf. Près de mon ami, une petite fille grassouillette, une grande fille ravissante et gaie, deux garçons échevelés et joueurs, partageaient l'évident plaisir que je lus en une seconde sur les traits animés de celle qui se nommait une vieille femme. Et je vous jure que tous étaient heureux, qu'ils n'avaient point de pensée profonde et que le bien-être quotidien leur suffisait. Une automobile s'arrêta. À peine eus-je le temps de me masquer, le mari franchit la grille. Ô joie patriarcale, et que je ne conçois point. Faisant volte-face, j'ai regagné l'embarcadère où j'attendis le vapeur blanc qui trouble à peine les eaux du lac. Et c'était moi le nostalgique, et j'avais aussi l'inquiétude d'être ce que je suis. Car elle était sincère, mon amie, elle avait été sincère, cet après-midi, où elle évoquait une souffrance qui dormait, si elle existait, en elle, et que j'avais peut-être éveillée. Écoutez, il est des milliers d'êtres qui n'ont pas besoin des grands bonheurs, qui n'ont pas besoin d'aimer Dieu, ni même de croire en lui, et qui vont tout simplement vers la mort éternelle, accomplissant leur vie par habitude, sans évoluer. Leurs yeux mi-clos, il ne faudrait pas les ouvrir. L'étranger ne devrait pas faire halte à ses auberges. L'invitation au voyage est parfois un crime. Et pourtant, il n'est pas de notre choix de nous exprimer. Si nous sommes sincères, nous sommes absous, même quand une force de révolte émane de nos écrits ou de notre exemple. Ainsi, je rêvais sur le lac, emportant avec moi ces douleurs d'une vie manquée, cette douleur qui, en réalité, n'existe que dans mon imagination. C'était Nostalgie par Binet Balmer.